Je le fuirai toute ma vie. Ah, cet aveu change tout entre nous, Seigneur. Je vous ai promis de demeurer en ces lieux, mais la bonne foi me le défend. Cela n'est plus possible et je pars. Vous auriez quelques jours de reproches à me faire. Je ne veux point vous tromper et je vous rends jusqu'à l'amitié que vous m'aviez accordée. Mais quel étrange langage me tenez-vous là? Vous sur d'où vient ce changement? C'est celui qu'est-ce qui puisse vous déplaire? Non, rassurez-vous, Agis, vous ne me regretterez point. Vous avez craint de connaître ce que c'est que la douleur de perdre un ami. Je vais l'éprouver bientôt, mais vous ne la connaîtrez point. Moi, cessez d'être votre ami. Oh, vous êtes toujours le mien, Seigneur, mais. Je ne suis plus le vôtre. Je ne suis qu'un des objets de cette haine dont vous parliez tout à l'heure. Quoi, ce n'est point Phocion ? Non, Seigneur. Cet habit vous abuse. Il vous cache une fille infortunée qui échappe tout ce déguisement à la persécution de la princesse. Mon nom est Aspasie. Je suis née d'un sang illustre dont il ne reste plus que moi. Les biens qu'on m'a laissés me jettent aujourd'hui dans la nécessité de fuir. La princesse veut que je les livre avec ma main à un de ses parents qui m'aime et que je hais. J'appris que sur mes refus, elle devait me faire enlever sous de faux prétextes. Et je n'ai trouvé d'autres ressources contre cette violence que de me sauver sous cet habit qui me déguise. J'ai entendu parler d'Hermocrate et de la solitude qu'il habite. Et je venais chez lui sans me faire connaître. Tâchez du moins pour quelque temps d'y trouver une retraite. Je vous y ai rencontré. Vous m'avez offert votre amitié. Je vous ai vu digne de toute la mienne. La confiance que je vous marque est une preuve que je voulais donner. Et je la conserverai malgré la haine qui va succéder à la vôtre. Et dans l'étonnement où vous me jetez, je ne saurais plus moi-même démêler ce que je pense. Et moi, je démêle pour vous. Adieu, Seigneur. Hermocrate souhaite que je me retire d'ici. Vous m'y souffrez avec peine. Mon départ va vous satisfaire tous deux. Et je vais chercher des cœurs dont la bonté ne me refuse pas un asile. Non, madame, arrêtez. Votre sexe est dangereux, il est vrai, mais les infortunés sont trop respectables. Mais vous haïssez, Seigneur. Non, vous déjà arrêtez, Aspasie. Vous êtes dans un état que je plains, je me reprocherai de n'y avoir pas été sensible. Et je presserai moi-même, Hermocrate, s'il le faut, de consentir à votre séjour ici. Vos malheurs m'y obligent. Ainsi, vous n'agirez plus que par pitié pour moi? Oh, que cette aventure me décourage! Le jeune seigneur qu'on veut que j'épouse me paraît estimable. Après tout, plutôt que de prolonger un état aussi rebutant que le mien, ne voudrait-il pas mieux me rendre? Ah, je ne vous conseille pas, madame. Il faut que le cœur et la main se suivent. J'ai toujours entendu dire que le sort le plus triste est d'être uni avec ce qu'on n'aime pas, que la vie alors est un tissu de langueur, que la vertu même, en nous secourant, on nous accable. Oh, mais peut-être sentez-vous que vous aimerez volontiers celui qu'on vous propose. Ah non, Seigneur, la fuite en est une preuve. Prenez-y donc garde. Surtout si quelque secret penchant vous prévenait pour un autre, car peut-être aimez-vous ailleurs et ce serait encore pire. Mais non, vous dis-je, je vous ressemble. Je n'ai jusqu'ici senti mon cœur que par l'amitié que j'ai eue pour vous. Et si vous ne me retiriez pas la vôtre, je ne voudrais jamais d'autre sentiment que celui-là. Sur ce pied-là... Ne vous exposez pas à revoir la princesse, car je suis toujours le même. Oh, vous m'aimez donc encore? Oh, toujours, madame. D'autant plus qu'il n'y a rien à craindre, puisqu'il ne s'agit entre nous que d'amitié, qui est le seul penchant que je puisse inspirer, et le seul aussi, sans doute, dont vous soyez capable. Seigneur, personne n'est plus digne que vous de la qualité d'ami. Celle d'amour ne vous convient que trop, mais ce n'est pas à moi à vous le dire. Oh, je voudrais bien ne le devenir jamais. Mais laissons donc là l'amour, il est même dangereux d'en parler. Oh, voici, je pense, un domestique qui vous cherche, Hermocrate, n'est peut-être plus occupé. Souffrez que je vous quitte pour aller le joindre. Allez, madame Phocion, votre entretien tout à l'heure était bien gardé car il avait 3 sentinelles. Hermocrate n'a point paru, mais sa sœur vous cherche et a demandé au jardinier où vous étiez. Elle a l'air un peu triste, apparemment que le philosophe ne se rend pas. Ouh, il a beau faire, il deviendra docile. Ou tout l'art de mon sexe n'y pourra rien. Et le seigneur Agis, promet-il quelque chose? Son cœur se mitonne-t-il un peu? Encore une ou deux conversations et je l'emporte. Quoi? Sérieusement, madame? Mais Corinne, tu sais les motifs de mon amour et les dieux m'en annoncent déjà la récompense. Ils ne manqueront pas de récompenser aussi le mien, car il est bien honnête. Mais cette personne Léontine, retirons-nous du restaurant à l'auteur de ce qu'il s'agit de faire à présent. Oui, madame. Vous serez charmée de mon savoir-faire. trouvé, madame. On m'a appris ce qui se passe. Mocrate veut se dédire de la grâce qu'il m'avait accordée. Je suis dans un trouble inexprimable. Ah oui, Faucian. Mocrate, par une opiniâtreté qui me paraissait en fondement, refuse de tenir la parole qu'il m'a donnée. Vous m'allez dire que je le presse encore, et je viens vous avouer que je n'en ferai rien. Vous n'en ferez rien, Léontine? Non. Ces refus me rappellent moi-même à la raison. Et j'appelais cela retrouver la raison. Ma tendresse aura borné mes vues. Je n'aurais cherché qu'à vous la dire. Je vous l'aurais dit, je me serais mis hors d'état de guérir jamais. J'aurais même espéré de vous toucher. Et vous voulez que je vous quitte? Amandine. Stop! Ça n'est pas possible. C'est un sacrifice que mon cœur ne saurait plus vous faire. Moi, vous quitter. Mais où voulez-vous que j'en trouve la force? Me l'avez-vous laissé? Non, voyez, ma situation, c'est à votre vertu à qui je parle. C'est elle que j'interroge. Qu'elle soit juge entre vous et moi. Je suis chez vous. Vous m'y avez souffert. Vous savez que je vous aime. Me voilà pénétrée de ma passion la plus tendre. Vous me l'avez inspirée et je partirai. Ah, Léontine, demandez-moi ma vie. Déchirez mon cœur, ils sont tous deux. Vous ne me demandez point des choses impossibles. Oh, quelle vivacité de mouvement. Non, Faucian, jamais je ne sentis tant la nécessité de votre départ. Et je ne m'en mêle plus. Juste ciel, que deviendrait mon cœur avec l'impétuosité du vôtre? Suis-je obligée, moi, de soutenir cette foule d'expressions passionnées qui vous échappent? Il faudrait donc toujours combattre, toujours résister, et ne jamais vaincre? Ah non, non, non, Faucian, c'est de l'amour que vous voulez m'inspirer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la douleur d'en avoir que vous voulez que je sente, et je ne sentirai que cela! Aussi, retirez-vous, je vous en conjure, et laissez-moi dans l'état où je suis. Oh, grâce! Ménagez-moi, Léontine, je m'égare à la seule idée de partir. Je ne saurais plus vivre sans vous. Je vais remplir ces lieux de mon désespoir. Je ne sais plus où je suis. Oui, parce que vous êtes désolée, il faut que je vous aime. Qu'est-ce que cette tyrannie-là? Est-ce que vous me haïssez? Je le devrais. Et les dispositions de votre cœur me sont-elles favorables? Je ne veux point les écouter. Oui, mais moi je ne saurais renoncer à les suivre. Arrêtez, j'entends quelqu'un. Que fait donc là ce domestique, madame? Le seigneur Hermocrate m'a ordonné d'examiner votre conduite parce qu'il ne vous connaît point. Mais dès que je suis avec madame, ma conduite n'a pas besoin d'un espion comme toi. Dites-lui qu'il se retire, madame, je vous en prie. Il faut bien me retirer moi-même. Si vous donnez, je vous promets de parler pour moi, je ne réponds plus de ma raison. Ah! Va-t'en, Arlequin, va-t'en, il n'est pas nécessaire que tu restes ici. Plus nécessaire que vous ne pensez, madame. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce monsieur-là n'est pas si friand de la sagesse que des filles sages. Et je vous avertis qu'il veut déniaiser la vôtre. Que veux-tu dire, Arlequin? Rien ne m'annonce ce que tu dis là, c'est une plaisanterie que tu fais. Ah ben, que nenni, madame. Tenez tantôt son valet là, qui est un autre espiègle, est venu pour me dire, eh bien qu'est-ce, y a-t-il pas moyen d'être amis ensemble? Oh, de tout mon cœur, que vous êtes heureux d'être ici, pas mal, les honnêtes gens que vos maîtres, admirables, que votre maîtresse est aimable, divine, dites-moi, a-t-elle eu des amants? Tant qu'elle en a voulu, en a-t-elle à cette heure, tant qu'elle en veut, en aura-t-elle encore, tant qu'elle en voudra, restera-t-elle fille? Je ne garantis rien, a-t-elle envie de se marier? Elle ne me dit pas ses envies, qu'est-ce qu'il y a pas envie, qu'est-ce pas envie? Oh. Est-ce que votre maître en est amoureux? Chut! Il en perd l'esprit, et nous ne restons ici que pour lui avoir le cœur, afin qu'elle nous épouse. Car nous avons des richesses et des flammes, plus qu'il n'en faut pour 10 ménards. N'as-tu pas dit assez? Tenez, voyez comme ils en soucient. Ça, il vous donnera le supplément, si vous voulez. C'est le vrai seigneur Faucian? Thermidas n'a fait que s'amuser en lui disant cela. Aïe, aïe, aïe, la voix vous manque, ma chère maîtresse. Oh, votre cœur! Prends congé de la compagnie. On le pille actuellement. Je vais revenir, le seigneur Hermocrate, à votre secours. Arrête, Arlequin, où vas-tu? Je ne veux pas qu'il sache qu'on me parle d'amour. Ah bon? Ah bon? Ah, puisque le fripon est de vos amis, ce n'est plus la peine de crier au voleur. Que la sagesse s'accommode, mariez-vous. Il y aura encore de la place pour elle. Le métier brave femme a bien son mérite. Adieu, madame. N'oubliez pas la discrétion de votre petit serviteur, qui vous fait bien ses compliments, qui nous dira mot. Ah, je me charge de payer ton silence. Oh, où suis-je? Tout ceci me paraît un songe. Voyez à quoi vous m'exposez. qui vient encore? Je vous apporte ce que vous m'avez demandé, seigneur. Voyez, si vous en êtes content. Il serait encore mieux si j'avais travaillé d'après la personne présente. Mais pourquoi me l'apporter devant, madame? Mais voyons. Ah oui. La physionomie s'y trouve, voilà. Cet air noble et fin et tout le feu de ses yeux. Il me semble qu'ils sont pourtant encore un peu plus vifs. C'est apparemment d'un portrait dont vous parlez, seigneur. Oui, madame. Donnez, seigneur, j'observerai ce que vous dites là. Peut-on le voir avant qu'on l'emporte? Il n'est pas achevé, madame. Ah, puisque vous avez vos raisons pour ne pas le montrer, je n'insiste plus. Le voilà, madame. Vous me le rendrez au moins. Que vois-je? C'est le bien. Je ne veux jamais vous perdre de vue. La moindre absence, mais douloureuse, ne durera-t-elle qu'un moment et ce portrait me l'adoucira. Cependant, vous le gardez. Je ne devrais pas vous le rendre, mais tant d'amour m'en ôte le courage. Cet amour ne vous en inspire-t-il pas un peu? Hélas, je n'en voulais point, mais je n'en serais peut-être pas la maîtresse. Ah, de quelle joie vous me comblez! Il est donc arrêté que je vous aimerai. Non, ne me promettez pas votre cœur. Dites que je l'ai, Léontine. Je ne dirai que trop vrai, Faucillon. Je resterai donc et vous parlerai, Hermocrate. Il le faudra bien pour me donner le temps de me résoudre à notre union. Cessez cet entretien, je vois Dimas qui vient. Oh, je me sens dans une émotion de cœur où je ne veux pas qu'on me voie. Adieu, Faucillon, ne vous impatientez pas, je me charge du consentement de mon frère. Voilà le philosophe qui se promène en balle ici tous les vents. Faites-nous de la marche et laissez-nous le terrain pour la seule fin que je lui en baille encore d'une venue. Courage, Dimas, je me retire et je reviendrai quand il sera parti. N'as-tu pas vu Faucillon? Non, mais allons vous rendre compte à son sujet. Eh bien, as-tu découvert quelque chose? Hein? Est-il souvent avec Agis? Oh, cherche-t-il à le voir? Oh que non. Il a, ma foi, bien d'autres tracas dans la cervelle. Ce début-là me fait craindre le reste. De quoi s'agit-il? À ce qu'il s'agit, Morgué, que vous avez bien du mérite et qu'il faut admirer votre science, votre vertu et votre bonne mine. Et d'où vient ton enthousiasme là-dessus? C'est que je compare votre face à ce qui arrive. C'est qu'il se passe des choses émerveillables et qui portent la signifiance de la rareté de votre personne. C'est quand se meurt, c'est quand soupire. Hélas, se dit-on, que je l'aime ce cher homme, cet agréable homme. Je ne sais de qui tu me parles. Bah, par ma foi, c'est de vous. Et puis d'un garçon qui n'est qu'une fille. Oh, j'en connais point ici. Vous connaissez bien Faucillon. Eh bien, il n'y a que son habit qui est un homme. Le reste est une fille. Comme dis-tu là? Ben, t'as piqué, qu'elle est remplie de charme. Et Morgué, que vous êtes heureux car tous ces charmes-là, devinez leur intention. Je les avais entendus raisonner. Ils disons comme ça qu'ils se gardent pour l'homme le plus mortel. Non, je me trompe. Pour le mortel. Le plus parfait qui se trouve parmi les mortels de tous les hommes, qui s'appelle Hermocrate. Qui, moi? Écoutez, écoutez. Oh, que me va-t-il dire encore? Comme je cherchions tantôt à obéir à votre commandement, je l'avons vu qui coupait dans le taillis avec son valet Armidas, qui y tout un incapable garçon de la même étoffe. Oh, moi, tout ballement, je traverse le taillis par un autre côté. Et puis, je les entends deviser. Et puis, Faucillon commence. Ah, voilà qui est fait, Corinne. Il n'y a plus de guérison pour moi. Je l'aime trop, cet homme-là. Je ne saurais plus que dire ni que faire. Et mais pourtant, madame, vous êtes si belle. Eh bien, cette beauté que profite me fait-elle, puisqu'il veut que je m'en retourne. Oh, mais patience, madame. Mais où est-il? Que fait-il? Où se tient la sagesse de sa personne? Arrête, Dimas. Je suis à la fin. Mais que vous dit-il quand vous lui parlez, madame? Il me gronde, et moi je me fâche, ma fille. Il me représente qu'il est sage, et moi il tousse, lui fais-je. Mais je vous plains, ce me fait-il. Mais me v'la bien refaite, se lui dis-je. Mais n'avez-vous pas honte, ce me fait-il? Eh bien, qu'est-ce que ça m'avance, se lui fais-je? Mais votre vertu, madame? Mais mon tourment, monsieur? Est-ce que les vertus ne se marient pas ensemble? Il me suffit de dire, j'en ai assez, oh! Je suis d'avis que vous garissiez cet enfant-là, Nicolette, en tombant il tout malade pour elle, et puis la prendre pour ménagère. Wow. Car en restant garçon, ça entare la lignée d'un homme. Eh, ce serait dommage de l'enterrement de la vôtre. Mais en parlant par similitude, y aurait-il pas moyen, par votre moyen, de me recommander à l'affection de la femme de chambre? À cause que je savons toutes ces fredaines-là et que je n'en sonne en mots. Il m'a manqué plus d'essuyer ce compliment-là. Sois discret, Dima, je te l'ordonne. Il serait fâché pour la personne en question que cette aventure-ci fût connue. Hmm? Et de mon côté, je vais y mettre ordre. En la renvoyant. Oh. Eh bien, Dima, ce que pensez à votre âge? Lui? Ben, il prétend vous garder. Tant mieux. Et puis, il prétend pas que vous laissiez. Ah, je ne t'entends plus. C'est qu'il s'entend plus lui-même. Il ne voit plus goutte à ce qu'il veut. Hein. Voilà sa dernière parole. Toute sa philosophie est à Volio, il n'y en reste pas une once. Ah, il faudra bien qu'il me cède ce reste-là. Bon, cependant, Alice, mais vite. Je l'ai presque point vu depuis qu'il sait qui je suis. Il parlait tout à l'heure à Corinne, peut-être me cherche-t-il. Vous l'avez deviné, car le v'là qui arrive. Mais madame, ayez toujours souvenance que ma fortune est au bout de l'histoire. Tu peux la compter faite. Grand merci à vous. Quoi, Aspasie, vous me fuyez quand je vous aborde? C'est que je me suis tantôt aperçue que vous me fuyez aussi. J'en conviens, mais j'avais une inquiétude qui m'agitait et qui me dure encore. Et... peut-on la savoir? Il y a une personne que j'aime, mais j'ignore si ce que je sens pour elle est amitié ou amour, car j'en suis là-dessus, à mon apprentissage, et je venais vous prier de m'instruire. Mais je connais cette personne-là, je pense. Cela ne vous est pas difficile. Quand vous êtes venu ici, vous savez que je n'aimais rien. Oui, et depuis que j'y suis, vous n'avez vu que moi. Concluez donc. Eh bien, c'est moi, ça va tout de suite. Oui, c'est vous, Aspasie. Et je vous demande à quoi j'en suis. Oh, je n'en sais pas le mot. Alors, dites-moi à quoi j'en suis moi-même, car je suis dans le même cas pour quelqu'un que j'aime. Et pour qui donc, Aspasie? Pour qui? Les raisons qui m'ont fait conclure que vous m'aimiez ne nous sont-elles pas connues? Et ne pouvez-vous pas conclure tout seul? Il est vrai que vous n'aviez point encore aimé quand vous êtes arrivé. Je ne suis plus de même et je n'ai vu que vous, le reste est clair. C'est donc pour moi que votre cœur est en peine, Aspasie? Oui! Ah, mais tout cela ne nous rend pas plus savants. Nous nous aimions. Avant que d'être inquiets, nous aimons-nous de même ou bien différemment, c'est de quoi il est question. Si nous nous disions ce que nous sentons, peut-être éclaircirions-nous la chose. Voyons donc. Aviez-vous tantôt de la peine à m'éviter? Oh, une peine infinie. Oui, cela commence mal. Ne m'évitiez-vous pas à cause que vous aviez le cœur troublé avec des sentiments que vous n'osiez pas me dire? Me voilà, vous me pénétrez à merveille. Oui, vous voilà, mais je vous avertis que votre cœur n'en ira pas mieux et que voilà encore des yeux qui ne pronostiquent rien de bon là-dessus. Oh, ils vous regardent avec un grand plaisir. Avec un plaisir qui va jusqu'à l'émotion. Allons, allons, c'est de l'amour, il est inutile de vous interroger davantage. Je donnerais ma vie pour vous, j'en donnerais mille si je les avais. Preuve sur preuve. Amour dans l'expression, amour dans les sentiments, amour dans les regards, amour s'il en fut jamais. Amour comme il n'en est point, peut-être. Mais je vous ai dit ce qui se passe dans mon cœur. Ne saurais-je point ce qui se passe dans le vôtre? Oh, doucement, Agis. Une personne de mon sexe parle de son amitié tant qu'on veut, mais de son amour, jamais. Ah, d'ailleurs, vous n'êtes déjà que trop tendre, que trop embarrassée par votre tendresse. Et si je vous disais mon secret, ce serait encore... Vous avez parlé de mes yeux. Il semble que les vôtres m'apprennent que vous n'êtes pas insensible. Au cours de mes yeux, je n'en réponds point. Ils peuvent bien vous dire que je vous aime, mais je n'aurai pas à me reprocher de vous l'avoir dit, moi. Oh, juste ciel, dans quel abîme de passion le charme de ce discours-là ne me jette-t-il point? Vos sentiments ressemblent aux miens. Oui, cela est vrai. Vous l'avez deviné. Et ce n'est pas ma faute, mais ce n'est pas le tout que d'aimer. Il faut avoir la liberté de se le dire et se mettre en état de se le dire toujours. Et le seigneur Hermocrate... Oh, je le respecte et je l'aime, mais je sens déjà que les cœurs n'ont point de maître. Oh, cependant, il faut que je le voie avant qu'il vous parle, car il pourrait bien vous renvoyer dès aujourd'hui et nous avons besoin d'un peu de temps pour voir ce que nous ferons. Ah oui, c'est bien dit, Agis. Allez-y, dès ce moment. Il faudra bien nous retrouver car j'ai bien des choses à vous dire. Et moi aussi. Partez. Quand on nous voit longtemps ensemble, j'ai toujours peur qu'on ne se doute de ce que je suis. Moi, je vous laisse, aimable Aspasie, vais travailler pour votre séjour ici. Hermocrate ne sera peut-être plus occupé. Oh, il a ma foi bien fait de s'en aller car voilà le jaloux qui arrive. Oh, vous paraissez donc enfin, Hermocrate. Mais pour dissiper le penchant qui m'occupe, n'avez-vous imaginé que l'ennui où vous me laissez ne vous réussira pas? Je n'en suis que plus triste et n'en suis pas moins tendre. Différentes affaires m'ont retenu, Aspasie, il ne s'agit plus de penchant. Votre séjour ici est désormais impraticable, il vous ferait tort. Dimas, oui, Dimas sait qui vous êtes. Vous dirai-je plus s'il sait le secret de votre cœur? Il vous a entendu. Non, ne nous fions ni l'un ni l'autre à la discrétion de ses pareils. Il y va de votre gloire, il faut vous retirer. Retirer, Seigneur? Oh, dans quel état me renvoyez-vous? Avec mille fois plus de troubles que je n'en avais. Mais qu'avez-vous fait pour me guérir à Calvaire?